le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeau à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment, même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeau à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Bonsoir à tous, bonsoir, le Roquefort Show, 122e émission, dernière émission de l'année, un spécial Best of CD 2017 Part 2. Et ce soir, nous aurons en invité Ludo qui doit être au téléphone. Ludo, est-ce que tu nous entends, Ludo ? Oui, je vous entends. Ah ouais, mais nous on t'entend pas. Parce que je sais pas où tu, je sais pas où t'as mis le tome là, mais nous on t'entend pas. Mais vas-y, répète, hein, bonsoir à toi. Et puis j'espère que t'as passé un joyeux Noël. Bonsoir à tout le monde, oui, très bien. Un très bon Noël et hâte. De participer à cette émission dernière de l'année du Roquefort Show. Voilà, bah écoute, bienvenue à toi. Et puis bon, on va t'écouter tout au long de l'émission, puisqu'il y a plusieurs titres que tu as choisis, comme nous d'ailleurs. Et on va commencer par débriefer ce que l'on a entendu en ouverture. C'était les Salles Majestés avec Petit Papa Noël, un Petit Papa Noël un peu pessimiste, un peu noir, un peu, hein, hein, mon cher Tom. Très noir. Un peu morose, on va dire. Hein. Très, surtout les Salles Majestés, quoi. C'est... ne regardez pas les paroles, dites-vous que c'était juste Noël, quoi. Ah, voilà, c'était marrant, ces paroles marrantes. Et puis ça va bien avec Motorhead, que l'on entend en fond sonore, sorti le 1er septembre 2017. Bien que Lemmy nous ait quitté depuis 2 ans déjà. Et c'était tiré de leur album Undercover, où on retrouve 11 covers de les Motorhead. Alors ça va de Metallica à Judas Priest, en passant par le titre que vous entendez en fond sonore de David Bowie, qui s'appelle Heroes, et c'était le titre, le seul titre inédit de cette compilation. Qui voilà. a osé choisir une cover? Bah, c'était obligé puisque ils ont sorti. Motorhead étant décédé, mon cher Tom, je te le rappelle, oui, même, le seul album qu'ils aient sorti en 2017, c'est un album de cover. Donc, pour rendre hommage à Lemmy qui nous a quittés aujourd'hui, mais il y a 2 ans, c'était le seul album que je pouvais passer. D'accord. Ah, c'était. Voilà. C'est dommage. C'est bien, je suis obligé de tout expliquer parce que. Mais non, parce que normalement, déjà, on ne choisit pas de live, pas de pays et pas de. Bah, de tu vas voir que. Ce soir, c'est exceptionnel. Ce soir, c'est super exceptionnel parce que nos invités n'ont pas tout compris et nous ont mis des EP. On a du live, on a de la reprise, on a de tout. Donc, voilà. C'est cool. Jean-Louis, c'est cool. Reviens. Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis, reviens vers nous. Au moins, toi, t'avais tout compris. Alors, on va commencer avec un groupe qui nous a bien plus depuis quelques années maintenant, hein, puisqu'ils ne sont pas à leur premier album. Le groupe s'appelle It, H.E.A.T. Et c'était tiré de l'album Into the Great Unknown, sorti chez Gain Music le 22 septembre dernier. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir et qu'on vous a déjà passé dans le Rock for Show, mais qu'on adore, s'appelle Blood Inside the Blind. Vraiment un très très bon titre, c'est du hard FM. Ouais, enfin moi je dirais que c'est. J'adore comment tu les définis, hard FM. Ouais. Non, c'est pas moi qui les définis comme ça, c'est eux qui se définissent comme ça et je ne pense pas que ça soit du hard FM. Je dirais plutôt que c'est du bon power rock, on va dire. C'est quand on dit hard FM, ça veut dire commercial. C'est très commercial, voilà. Ouais. C'est estampillé commercial comme Journey, comme. Foreigner avec l'album 4, enfin bon voilà, c'est Europe est estampillé hard FM, alors que depuis quelques temps ils nous font plutôt du rock que du hard FM. Le groupe s'est formé en 2007, ils nous viennent donc de Suède et c'était un de mes premiers choix pour cette année 2017 de cette deuxième émission. À ton tour, mon cher Tom. Oui, on va aller du côté de l'Almanach, le groupe Almanach, avec leur titre Kingslayer et l'album Children of the Sacred. C'est l'inverse, Pass. Mais c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Sorti chez donc cet album qui s'appelle Kingslayer, sorti chez Nuclear Blast le 24 novembre 2017, donc c'est très récent. C'est de la Power Symphonie qui sont formés en 2005 et c'est des Schleu, une nouvelle d'outre-Rhin, c'est-à-dire d'Allemagne. Voilà. Pour ouais, parce que si tu dis Schleu et qu'on est écouté dans le monde entier, il n'y a que les Français qui comprennent. Si je dis outre-Rhin, mais tu es en. Non, mais t'as dit Allemagne, Pologne. C'est bien. Ouais, Allemagne, c'est bien. Si tu dis en Pologne et je dis outre-Rhin, c'est chez nous. Allez, on va passer à Monsieur Ludo qui nous a choisi un artiste que l'on adore et en plus ça tombe très bien puisque cet artiste est canadien. Donc on passe un grand coucou à nos amis de Radio Biz à Québec et surtout à notre patron Eric Flynn. Bonsoir. Bonsoir Ludo. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Donc on va écouter Aikota Rock issu du dernier album de Danko Jones Wildcat, groupe formé en 96 avec Danko Jones et John Calabrese qui sont les deux membres de l'origine et en dernier Rick Knox qui est arrivé il y a 2-3 ans au sein du groupe à la batterie. Alors cet album est sorti en mars 2017 chez AFM, c'est du hard rock, mais du bon hard rock, un gros mélange de AC/DC avec cette petite touche et cette petite verbe que l'on reconnaît à Monsieur Danko, en fait il s'appelle pas comme ça, hein, il s'appelle autrement, son vrai nom. Tu l'as son vrai nom à Danko Jones ? Danko Jones. Non, c'est pas son vrai nom, ça c'est son nom d'artiste, c'est son nom de scène, mais c'est pas grave, ça, on va l'appeler Monsieur Danko, et ils nous viennent donc de Toronto au Canada, voilà. Et ben on écoute je tout tiens, ça. Et je tiens à signaler que Danko Jones avait fait la première partie de Motorhead il y a quelques années. Oui, tout à fait. Et puis ils avaient fait pas mal de concerts. Je crois qu'ils ont fait le Download, le Hellfest, enfin tous les gros fests que l'on a aujourd'hui en France. Mon cher Ludo, on écoute de la musique, on écoute donc pour commencer Hit, on enchaîne avec Almanach, on continue avec Danko Jones et on va vous donner le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler et voir si on est vraiment en direct parce qu'on est en direct. 06 01 28 34. Ouais non mais là personne t'a entendu. 06 81 01 28 34. Musique c'est parti. We'll be right back. look to the skies to justify their genocide, yeah. Looks like the old times. This touching feeling stayed. Thought it was in my mind. Ouais, nous sommes de retour dans le Rock Fort Show, comme tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. Et nous avons au micro, enfin avant le micro, ben on a White Blues en fond sonore, tiré de l'album Belong to the Barrel, que nous avions reçu ici il y a 2 semaines, je crois, en interview, sorti chez M&O Music en novembre 2017. C'était le 2e album du groupe. C'est un trio de jack blues metal formé en 2007. Ils sont français, ils nous viennent de Grenoble. Vous savez, là où il y a les noix de Grenoble, et là où il y a aussi le funiculaire. Enfin bref, il y a plein de trucs à Grenoble. Et ça, c'est un choix donc de Phil et Tom. White Blues qui nous a quand même assez bien marqué. Et je ne sais pas pourquoi nous n'entendons plus White Blues en fond sonore, alors que c'est vraiment génial, extraordinaire, super, fantastique. En tout cas, j'adore. C'est pour pas ne pas cacher ta belle voix. Ah ouais, voilà. Non mais vas-y, ça fait beaucoup plus viril avec les White Blues. On les écoute un petit peu. Allez, vas-y. Ah bah ouais, c'est au moment où ils chantent plus, quoi. Mais tu apprécies l'acoustique ou moins ? Oui, oui, j'adore. Non, je trouve que c'est pour un groupe acoustique, c'est un groupe très nerveux. Et j'ai vraiment bien aimé quoi, cet album, donc voilà. Et maintenant, nous allons dire bonsoir à notre deuxième invité, Monsieur Ultra Rock, Steph. Qui a dit une connerie juste avant qu'on reprenne l'antenne. Il a dit une connerie juste avant qu'on reprenne l'antenne. Et on l'a pas entendu. Tu as dit quoi juste avant qu'on reprenne l'antenne, Steph? Mais ça rappelle. Bonsoir les garçons. Ah oui, t'as dit une connerie parce que Tom est une fille. Quand non mais il le cache bien, mais Tom est une fille. Il le cache tellement bien que du coup il se féminise. Bon. Et voilà, ça va être comme ça toute la soirée avec l'Ultra Rock. Bah ce soir c'est Ultra Rock Fort Show encore une fois quoi. Exactement, j'aime bien cette association, elle est rigolote. Ouais, puis moi j'aime bien quand tu t'associes avec Tom. Salut, c'est Tony. Salut, c'est Tony. Bon, eh bien, je voulais savoir, mon cher Steph, comment s'est passé le premier réveillon de cette fin d'année ? Eh bien, écoute, j'ai pris 3 kilos à chaque repas. Super ! Voilà, mais... Donc, du coup, il a pris 100 kilos d'un coup. Le but des fêtes, c'est-à-dire, toi, tu perds 1 kilo et t'en regagnes 9 derrière. Voilà, mais est-ce que le Papa Noël a été gentil avec toi ? Est-ce qu'il t'a apporté tout ce que tu lui avais commandé ? Mais bien sûr, il m'a apporté des putes. Ça, c'est vachement bien. Les... Des putes, des putes, oui, mais de Tanzanie. Des pulls. Ah, excuse-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Alors, j'ai eu un Monopoly Kiss. Bien. En plus, voilà, en plus. Ça, c'est vraiment hard rock, baby, c'est ultra rock. Ouais, mais tu es au courant. Tu es au courant de l'anecdote sur le Monopoly ? J'ai rien compris. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'était passé avec le Monopoly ? Le dollar, le signe dollar de Monopoly ? Non, je t'écoute. Eh bien, c'était Gene Simmons qui s'est aperçu que sur le signe dollar des boîtes américaines, le sigle dollar n'avait pas été une marque déposée. Et donc, il a déposé le sigle dollar. Bah, un petit peu comme il a déposé le signe du métal, quoi, les cornes. Voilà, un peu comme ça. Donc, le gars, il doit être à l'affût de tout. Comme s'il n'avait pas assez de thunes, bah, il s'en refait encore plus. On va voir qu'on va pas le blâmer, hein, on a qu'à tous faire la même chose. Voilà, mais en tout cas, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai eu encore ? J'ai eu du parfum. Tiens, j'ai eu du parfum. Ah, enfin, tu sentiras bon. Ça, c'est pas mal. Moi, je sentirais bon dans les studios. Voilà. Là, c'est téléphonique, donc c'est pas gênant, mais tu vois, des fois, je... Voilà. Non, mais on imagine la fragrance du Steph. Tu remarqueras qu'il a juste dit « Je sentirais bon dans les dans studios. » Ouais, dans les studios. Donc, en gros, vous le croisez dans la rue et écartez-vous. Voilà, il va tuer. Ouais, non, je mets juste... C'est un parfum spécial studio, en fait. Confort nasal pour les auditeurs et puis aussi mes collègues de radio. Bon, allez, on va passer à la suite de la programmation avec des sorties de cette année 2017. No Return, bah si, on va y retourner quand même. Hein. No Return qui nous a sorti son dernier album, The Curse Within. Le titre que je vous propose d'écouter ce soir, c'est Serpent's Curse. Et c'est sorti chez Mighty Music le 17 novembre dernier. Nous les avions également eu en interview à cette époque, hein, au moment de la sortie de leur album. C'est du thrash death formé en 1989. Alors, c'est jamais le même line-up hein, à chaque album. Ils nous viennent de Paris et c'est un groupe français, bien évidemment, qui chante en anglais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter ? Bah rien, l'album est très bien puisqu'on l'a sélectionné dans les albums de l'année 2017. Alors juste un petit détail, on ne pouvait pas sélectionner 90 ou 100 albums à vous diffuser en deux émissions, donc on en a sélectionné que 50 en tout. Ouais, et Radio-Québec vous l'a fait, vous a fait un top 50 cette semaine. 150, un top 150 je crois ils ont fait. J'ai dit 50 ? Ouais. Salut les petits clous. Voilà, ils ont fait un top 150. Et Ultra Rock ils font quoi comme top Oh mais ils sont toujours au top Ultra Rock, donc ils n'ont pas besoin de faire de top. Oui, ils vont faire un best-of. Dis-moi. C'est gentil. Dis-moi, Steph. Amour, tendresse et chocolat. Allez, dis-nous toi ce que tu as choisi. Parle-nous de ton body. Allez, moi j'ai choisi Body Count, bien sûr. Cet album qui est sorti en mars, le fameux rapcore, bien sûr, de Body Count, qui a vraiment été popularisé en 94 avec l'album Born Dead et le single Born Dead. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que ben, je crois que Ice-T est en colère, en fait, contre la société américaine, mais ça, c'est un peu son fer de lance. Bien sûr, c'est les Américains, c'est un anti-Trump. Ice-T, on le connaît aussi parce qu'il joue, on le voit dans une série, New York, une été spéciale. Et ce qu'on peut dire, c'est que Ice-T a la pêche. J'allais te le dire. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Et c'est encore meilleur servi très frais, puisque c'est encore de cette année. Et je dirais même que Ice-T en a dans le citron. Oh, bravo, j'aime bien. Un peu d'exotisme. T'as une bonne porte, quand même. Entre moi que j'ai choisi. C'est un gros clin d'œil à Slayer, et c'est même plus qu'un clin d'œil, puisque seul le titre a sensiblement été changé, puisque le Rain in Blood de Slayer se transforme en Raining in Blood post-mortem. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Ice-T explique pour son amour pour Slayer et pourquoi il aime ça, pourquoi il aime bien. Il parle de son pote qui jouait de la gratte, et moi, ça me plaît. L'album s'appelle Bloodlust, et c'est quand vous voulez, les gars. Bah, c'est sorti chez Century Media le 31 mars dernier. Ouais. On peut dire que le genre, c'est ouais fusion, mais bien hardcore quand même. Ouais, c'est bien rapcore à l'américaine. Voilà, typiquement à la Bon Jovi, puisque à la Motley Crue même, puisqu'ils nous viennent de Los Angeles. Hein, donc, Ouais, mais dans un style radicalement différent. Ils mettent moins de porte-jartel, ils mettent moins de rouge à lèvres. Ah, c'était donc ça. Ah, j'avais pas tout compris, oui. Moi. C'est ça la différence. Allez, on enchaînera. On enchaînera avec un autre groupe ricain qui nous vient de Orlando, celui-ci, puisqu'il s'agit de Trivium. Trivium, leur dernier album s'appelle The. Tu dis que ça vient de Orlando, est-ce que ça vient du frère de Dalida, quelque part ? Oui, complètement. C'est exactement ça. L'album s'appelle The Sin and the Serpent. Oh putain, c'est dur les fêtes, hein. Non mais monsieur de Ultra Rock, nous allons plus prendre vos appels, parce que là ça devient problématique. Non mais coupe-le carrément, parce que là je vais pas pouvoir m'en sortir. Oh non, pas de circoncision. The Earth From Your Hate, ça c'est pour toi ça mon cher Steph, c'est du metalcore, ouais. Le groupe s'est formé en 2000 et puis bah voilà, ils sont américains et ils nous ont sorti ce nouvel album. C'est un choix que j'ai. C'est un choix que nous avons fait récemment, sorti chez Roadrunner le 20 octobre dernier. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ces choix musicaux que nous vous demandons d'écouter religieusement en ce 28 décembre 2017. On vous dit, c'est quand même le dernier jeudi de l'année. Profitez-en. On commence donc avec No Return. On enchaîne avec mon cher Steph. Body Count. Si Tom se trompe pas. Et on finira avec Trivium. C'est parti, musique. On vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Et on salue bien Chris qui nous a envoyé un petit message. Merci à toi, Chris, et bonne fin d'année. Yeah. Explain Body Count. Body Count is a band I put together just to let one of my best friends, Ernie C., play his guitar. He's always been playing guitar. We all went to Crenshaw High School together in South Central Los Angeles. And I had the idea, let's make a metal band. Let's make a rock band. Because I had been to Europe, and I noticed that the kids would mosh off of hip-hop. So we put the band together, and I used the three bands that were my favorites at the time to set the tone. We used the impending doom of a group like Black Sabbath, who pretty much invented metal. The punk sensibility is somebody like Suicidal, who basically put that gangbanger style from Venice, California into the game, and the speed and the precision of Slayer, one of my favorite groups, and always will be. down and pointed our defeat. It's easy to be right when everything repeats. Dig below the surface, find your insecurities. Tell me, maybe you were right, maybe I was wrong. But I've been silent for far too long. Maybe you were right, maybe I should go. But I've been silent for far too long. What will it take to rip the heart from your hate? What will it take? What will it take? Your distance from reality won't bury or erase it. I tried to do the same, living so complacent. But the problems wouldn't go away, so I turned around to face them. Tell me, maybe you were right, maybe I was wrong. But I've been silent for far too long. Maybe you were right, maybe I should go. But I've been silent for far too long. What will it take to rip the heart from your hate? What will it take? What will it take to rip the heart from your hate? Dans les studios, au son de la guitare et de la voix de Clone, Clone de chez Clonosphère, qui nous a sorti un album Unplugged Live. Comme on avait dit ce soir, pas de live, pas de EP, pas de cover. Désolé, c'est de ma faute là. Non mais j'avoue que. Enfin, c'est de notre faute. J'avoue que voilà. C'est de la mienne et t'as pas vérifié derrière. Mais l'album est très bien. Il y en avait d'autres. L'album est très bien. Oui. Et je vais te laisser parler de Clone. Donc c'est un unplugged de Clone, sorti le 17 février 2017, en début d'année, quelques mois, quelques semaines après notre PMFF. Yes. Voilà, feu le PMFF. Feu PMFF, feu. C'est du death atmosphérique, qui sont formés en 1995 et c'est des pots de vin. Ils viennent de Poitiers. C'est ça, et ce soir non plus, pots de vin. Non. Ouais, si, après l'émission. Après ouais. Bon, ouais. Steph, il sera pas là. On va pouvoir se taper la cloche. On a du foie gras, on a tout ça. Mais c'est bête, Steph. Bande de bâtards. Donnez-moi des bons becs. C'est bête, hein. Bah, toi, t'as les bons becs et nous, on a le foie gras. Qu'est-ce que tu préfères? Le foie gras. Mais, et nous, on n'a pas envie d'échanger. Ah non, on ne changera pour rien au monde. Hein. C'est ballot, hein, parce que on là, j'ai ramené pas. Carrément un lobe de foie gras, tu vois. Un lobe. Ma petite qu'est-ce canard, hein, petit. Allez, qu'est-ce que l'on a écouté, mon cher Tom? On a commencé avec quoi? On a commencé avec quoi? Moi, je vais te dire, on a fini déjà avec Trivium, pour, ouais. Pour faire simple. Et on Body avait commencé Count, avec, juste avant. Ouais, et on avait commencé ouais. avec No Return, mais on revient. No Return, ouais, c'est pas mal ça, No Return. No Return. No Return. No Return, oui, mais No Return, moi je parle No en Return, français, non mais t'as raison. Eh bien, français, justement, ouais. Tu vas continuer à parler en français, puisque c'est un groupe canadien qui suit. Ah, ça, c'est presque français alors. Alors, le H, t'essayes de faire... Heim. Nordheim. Heim. Ah, tu veux Heim, Nordheim. Ouais, c'est voilà. Hein ouais. C'est bon. Ouais, ça va. Allez, c'est vas-y, bon je te Nordheim. Laisse. Ah oui, c'est encore de moi en plus. Ah oui, ouais. Tu fais des choix, tu t'en rappelles plus, j'y peux rien. Ah, je crois que Tom est un peu en fin d'année, il est en fin de parcours. Ouais, c'est pas facile, hein. Il y a les vapeurs du dernier réveillon qui sont encore là. Hein. C'est pas comme si je t'avais envoyé 3 titres ou 4, je t'en ai envoyé 40. Bah ouais, mais celui-là c'est à toi. Oui, mais c'est possible. Et Nordheim, avec l'album Raptor et le titre I Wish You Were Beer, sorti chez Napalm Records. Non, Beer. Tu n'auras pas ma bière. Tu n'auras pas ma bière, t'es déjà assez planté. Ah, oh, ça y est. Moi qui croyais que c'était une chanson de Pink Floyd. Quoi, mais I Wish You non, Were Non, c'est Beer. Punk Floyd. Ah, Derm. Sorti chez Maple Metal Records. C'est ça, mon cher Tom? Yes. Ah oui, j'ai dit Napalm. Oui, c'est du black folklorique, comme dirait Phil, formé en 2006. C'est des Canadiens, ils nous viennent de Lévis. Et ils sont pas Strauss, eux. Je te jure. Ah, ils sont pas jeans non plus. Hein. Non plus. Allez, on enchaînera ensuite avec Tagada Jones. Un choix commun, mon cher Tom. Ah oui, La Peste et le Choléra. Ça, c'est album, le dernier album. Sorti en mars 2017 chez Atom. Et puis je crois qu'il parlait de la fin de l'année, là, pas de futur. Bah ouais, c'est pas de futur pour l'année 2017, puisqu'elle s'achève. Mais ils ont toujours pensé futur, c'est quand même, ils sont formés quand même en 1993. Hein. Tout à fait. Album sorti chez Atom le 3 mars dernier. Ça, je l'avais déjà dit. C'est vrai? Ah bah je t'écoute pas aussi, c'est pour ça. C'est du hardcore? C'est du hardcore. Tu l'avais déjà dit ça aussi? Je sais plus. Par contre, ils viennent de chez nous presque, Steph. Ils nous viennent de la Bretagne. Tu sais d'où ils viennent, Steph? Allô, Steph est parti. Steph est parti se coucher. D'où vient Tagada oui. Jones? Ah bah ils sont limite Bretagne, c'est des Rennais. J'adore limite Bretagne. Ah. J'adore. Ah. Les Nantais c'est pas des Bretons, les Rennais c'est pas des Bretons. Mais Steph n'est pas un vrai Breton non plus, donc c'est vrai. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça qu'il le dit, mais il n'est pas mieux. Allez, par contre Steph, ça va être à toi. Oui, bonjour. Cherche le frigo, s'il vous plaît. Au fond, à gauche, à droite, c'est les toilettes. Le frigo, il est, pour l'instant, on a mis un cadenas. Tant que t'es avec nous, on met un cadenas. Oh, bon, allez, moi, mon number one, mon top numéro un de 2017, c'est The Night Flight Orchestra. Alors, c'est ex aequo avec Body Count, mais quand même, comme ce disque est très très positif et que je suis moi-même très très positif, je le place en numéro 1. L'album s'appelle Amber Galactic. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est du hard rock à Hour 70s. Oui. Un gros mélange de Toto, Journey, on entend du Super Tramp, on entend un petit peu de Tease dans certains riffs. Ce qui est surprenant, c'est plusieurs musiciens déjà bien établis qui se sont associés. Il y a entre autres Bjorn, le chanteur de Soilwork. Et ça donne un résultat vraiment très très bien. Ça s'est sorti au mois de mai et le concert au Nouveau Casino était tout à fait réjouissant. Et dans réjouissant, il y a jouissant et c'est la totale quoi. tu joues avec ce que tu veux. En tout cas, le morceau s'appelle Midnight Flyer. C'est sorti chez Nuclear Blast. C'est le choix d'Ultra Rock, Steph. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que des fois, ils ont des petites intros et ça me fait penser à Champs-Élysées, à Michel Drucker. Michel, si tu nous écoutes. Tu vois. C'est pas faux. En tout cas, c'est vraiment très très bien. Donc, comme vous l'a dit Steph. C'est très très frais, même si c'est du recyclage. C'est super frais parce que le son est bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de revival. C'est que le son des groupes qui reprennent des choses déjà faites, déjà éculées et non pas. Dis donc, arrêtez vos gros mots. Et ben, c'est que le son est bon et que ça séduit toujours autant, quoi. Voilà. Et comme tu l'as dit, étant donné qu'il y a le chanteur de Soilwork dedans, mais il n'y a pas que lui, hein, y a aussi d'autres membres de groupes un petit peu plus extrêmes, on va dire, dans la musique. Absolument. Le groupe est donc suédois. à la base. Et c'est le choix commun avec Tom. Tom aussi avait choisi The Night Flight Orchestra. Et effectivement, moi, je change. C'est plus ton numéro 1 alors. C'est ton hors numéro 1, d'accord. Ok, bah y a pas de souci. C'est mon numéro 1. Hein, c'est à toi, rien qu'à toi. Bon, en tout cas, merci pour ce choix parce que c'est vrai que ça a fait quelque chose d'assez éclectique dans cette programmation musicale et c'est très bien. Donc on vous rappelle, on va commencer avec Nordheim, on enchaîne avec Tagada Jones et on finit avec The Night Flight Orchestra. On vous rappelle le numéro de téléphone, mon cher Tom. 06 81 01 28 34. Et on passe bonjour à Hugo. Yeah. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique. J'espère que vous aussi vous basculez dans le fantastique en écoutant le Rock for Show. Et ce soir, c'est l'Ultra Rock for Show puisque nous avons avec nous également Monsieur Steph de Ultra Rock. Ça, c'est pour répondre. Ça, c'est pour répondre à notre auditeur David qui nous a demandé de quel Steph il s'agissait. Monsieur mangeur de bonbons, Steph. Mais oui, mangeur de chatte aussi, on peut faire passer le message. Ah ouais, et les poils, ça reste pas coincé. Je prends tout ce qui vient. Sauf la queue. Bon allez, dis-nous ce que l'on a écouté là en dernier titre. On a écouté ce très réjouissant groupe The Night Flight Orchestra. Voilà, c'était vraiment excellent. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que c'est très frais malgré le recyclage soit 70s. Et puis voilà, ça met la pêche, moi. Ça met la patate, c'est comme Ice-T, ça met la pêche. là, c'est redondant là. Oui, j'aime ça. Mais tu comique de répétition, j'essaierai de la replacer. Tiens. J'espère, juste à la fin de l'émission au moins. Avant ça, on a écouté oui. Tagada Jones et juste avant, c'était le groupe canadien Nordheim. C'est ça, c'était bien canadien, j'en rappelle plus du coup. Si, c'est canadien. Oui, ils viennent de Lévis. Oui, bien sûr. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Shabby Funk. Hein, et moi, délirant. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Sorti chez Do It le 20 novembre dernier, choix de Tom et de Phil en commun. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le groupe? L'album s'appelle Mission avec un tréma, c'est ça, sur le haut, mon cher Tom? Oui, monsieur. Bon, bah voilà. Enfin, Tom a tout dit, il a dit oui. C'est très bien. Et c'est un consentement, pas mutuel, mais c'est un consentement. Et j'aime bien quand Tom consent. Donc je peux... Attends, laisse, parce que je pense que Steph aurait réagi là-dessus. Non ? Bah oui, Tom consent des pieds. Enfin voilà. Voilà, j'attendais un truc. Je cherchais une connerie à lui lancer et puis voilà, il l'a repris. Et donc vas-y, tu voulais nous dire, Tom ? Non, mais le titre est d'après, moi je ferai l'inverse, moi. Ah, Dracar. Ouais, hein. Et ça, tu adores. Je crois que c'est un titre. C'est une toilette, ça. Dracar noir. Ça va pas être Stay With You ou Stay With Me, mais ça va être go On. Ah, tu vois ah. Le titre c'est que j'ai choisi, c'est Stay With Me, mais je crois que je vais faire l'inverse. Je suis désolé. Hein, non, mais attends, sois clair parce que les auditeurs vont rien comprendre. Le titre de Dracar qu'on va entendre s'appelle Stay With Me. Moi, je vais faire Go On, je me casse. Non, pas maintenant, il reste encore 3 quarts d'heure d'émission. Donc, t'as pas le droit. Tu es payé jusque pendant les 3 quarts d'heure. Hein. N'oublie pas ça. Hein. En plus de ça. Chèrement payé hein. Et en plus tu te joins à moi pour avoir choisi ce titre Stay yes. With Me de Dracar sorti chez de l'album Diabolical. Empathie de cet album, c'est en autoprod chez Dracar. On avait reçu qui c'est qu'on avait reçu de chez Dracar? C'était au téléphone, je crois qu'on avait eu Pat. Non, parce que on n'avait pas Pat. On n'avait pas Pat. Non. On n'avait pas Pat. Bien mon chat. Non, c'était pas Lenny. Non, c'était pas Lenny. C'était donc le troisième. Donc c'était Richie. Voilà. Voilà. Et Poveri, non? Poveri était pas là? Non, c'était Richie tout court. Wow, joli. Pas mal, hein. T'as vu ça un peu la culture moi, musicale. Je pense à Richie Valens. Aussi. Ouais, mais là c'est trop pointu là. C'est des Belges, ils viennent de Mons. Bon, les jeunes là, vous. Et en même temps, pour un Dracar, c'est normal que ça soit pointu. Oh, joli. Je suis à gare. Du Nord. Bien sûr. Bien évidemment. Vas-y mon cher Tom, on t'a coupé. Non, mais bonne toi soirée, aussi, salut. Hop, allez-y. Bah, salut, hein, bonne soirée. Allez, pas de prosélytisme, c'est parti. Bon alors, Dracar, on parle depuis tout à l'heure, qui est en autoproduit, sorti le 29 septembre, CD Heavy Metal, ils sont nés, formés en 1983, ils nous viennent de Mons en Belgique. Et c'est du heavy metal, comme je l'ai dit. Voilà. Et le titre, c'est Stay With Me, c'est la balade. C'est la balade de l'album. Ça fait longtemps, qu'ils n'avaient pas fait une balade. En plus, il y a une chanteuse et Lenny. C'est un super duo et c'est très cool. Au chant. C'est un scorpion nouvelle génération. Et on le dédicace à tous les amoureux. Tous, on vous le dédicace. C'est Stay With Me. Non, pas Steph. pas à Steph. Bah, il est pas amoureux de Steph. Si, il est amoureux de toi. Ah oui, excuse-moi. Ah ouais, donc tu veux pas. Tu veux pas, sinon ça va l'exciter encore plus. C'est ça que tu veux me dire, mon cher Tam? Bon, bah écoute. Bon, en tout cas, on est fiers et très heureux. Et on voulait aussi vous prouver à travers ces multiples échanges que l'on fait avec Ultra Rock qu'il n'y a pas de concurrence malsaine ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'amitié. De qui tu parles? Je vois pas de qui tu veux parler. Non, mais je parle de d'autres émissions qui nous disent que ouais, non, mais nous on vous écoute pas parce que vous êtes des concurrents. Non, il n'y a pas de concurrence. On est pour la même paroisse, si paroisse il y a, celle du métal et de la bonne musique. Exactement, on est que des confrères, surtout cons et surtout frères. Qui veulent se branler la bite, et ben qu'ils aillent la faire entre eux ailleurs. Voilà. Voilà, mon cher Steph. Merci d'avoir bien résumé. Et d'ailleurs, ça va être à toi de parler et à ta petite maman. C'est maintenant ? Oui, c'est maintenant. Oui, à ma maman. Oh, ben dis donc, j'en ai des frangins. Le groupe s'appelle Mother of Millions. Comme j'ai un petit peu faim, je me suis dit, un petit grec. Tiens, un petit groupe grec, salade tomate oignon, sauce blanche, c'est parfait. Alors le groupe est formé il y a un petit moment déjà, il y a presque 10 ans, mais ils sont vraiment stabilisés en 2014. Ce sont des Grecs qui viennent d'Athènes. Alors c'est un peu particulier parce que j'ai reçu l'album vers le mois de novembre. A priori, il est sorti le 3 novembre 2017 chez Vici Solom Productions. Et puis quand vous allez sur le Facebook de Mother of Millions, ça sortirait le 20 janvier 2018. Va comprendre. Ah, va comprendre, Charles. On avance, mais c'est pas bon, c'est pas très grave. Pour tous les amateurs de prog, j'ai envie de dire de post-prog, parce que c'est pas forcément que de la technique, que de la branlette. Ça chante plutôt bien. Parfois, c'est même un petit peu pop. Il y a des passages où on dirait vraiment 30 Seconds to Mars. voilà, moi, je vous conseille vraiment cet album qui s'appelle Stigma. Et le titre, moi, que j'ai choisi pour Ultra Rock War Show 2017, Best of, Part 2, Rome. Merci, monsieur Steph d'Ultra Rock. De nada. Bah, on va partir pour Bagdad maintenant qu'on a été à Athènes, hein, et ouais, on va faire un petit rodéo. Ouais, dans un monde idéal. Dans un monde idéal, tout à fait. C'est le titre du choisi par Tom. Et on y sera trois. Et c'est le troisième album du groupe qui s'appelle 3, Bagdad Rodeo, que l'on avait reçu également dans le Rock for Show. On avait passé un très très bon moment. J'avais risqué ma peau aussi, hein, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'on avait passé un morceau. Et il m'a dit attention, oh là là là là là là, c'est dangereux de passer ce titre-là. Et il nous avait salué d'ailleurs au concert, au backstage. Ah oui, parce que c'était un titre très engagé, c'est ça ? Très engagé, enfin c'est surtout très contre toute religion. Voilà, c'était un titre qui voulait dire ce qu'il voulait dire. Je crois que ça s'appelait Sex, Religion and Sodomy, le titre. Oui, d'accord, oui, je ne l'ai pas mis justement un peu pour ça. Donc tu n'as pas re-choisi ce titre-là, mais non, moi je l'aurais choisi. On en parle donc. Voilà, le titre de l'album, donc on l'a dit, c'est 3. Le label, c'est Lasagne and Cowboy Prod. Ouais, c'est de l'autoprod, hein, pour vous dire, c'est la même chose. Hein. C'était sorti au mois d'avril, le 12 avril exactement 2017. Ça y est, j'ai faim. Comment ? Ça y est, j'ai faim. Bien entendu. Et la promo a été faite par Do It, que l'on salue. Ça nous permet de saluer aussi tous ceux qui nous envoient des CD, qui travaillent avec nous tout au long de l'année et qui font un travail de titan. Que ce soit eux, que ce soit Vericord, que ce soit Replica, que ce soit Nuclear Blast, Century Media. Enfin bref, je vais en oublier plein, puisqu'il y a également John Asher au Canada qui nous envoie énormément de choses. Donc voilà, on voulait aussi remercier tous nos partenaires. J'oubliais Bad Reputation, a fucking good label. Il y a également Atom, il y a également qui c'est que j'oublie encore, mon cher Tom, Mighty Music. Un qu'on entend quasiment pas parler et qu'on voit très peu souvent en mat promo. Mais Mat promo, exactement. A dû changer de catégorie, je pense. Ouais, parce qu'on le voit de moins en moins dans les artistes que l'on diffuse. Dans l'indé. Dans l'indé et dans la world music, voilà. Voilà, donc pour Bagdad Rodeo, c'est du rock. Le groupe s'est formé en 2009. Ils étaient à Paris, maintenant ils sont un petit peu éparpillés. Hein, mais je crois que Ludo, lui, est à Toulouse, si mes souvenirs sont bons. On a oublié au passage un label Autoprod. Label Autoprod, ouais, il est pas mal ce label Autoprod. Voilà, donc Bagdad Rodeo, un titre en commun, Tom et Phil. Et on va vous laisser donc partir en musique, en voyage. Donc vous allez d'abord partir. C'était où déjà le premier? Mais on reste ici, tu restes avec moi. Je reste avec toi. Ah oui, non, non, on prend un bateau, mais on reste ici. Non, on part en Belgique d'abord, on continue. Mon cher Steph, en Grèce. Grèce, on va s'engraisser. Et on finit en France. On revient en France. Allez, on vous laisse 06 81 01 28 34 si vous voulez nous passer un petit coucou. Nous, on repasse un petit coucou à Chris, à David, à Eric, à Hugo, à John, à Steph qui est avec nous au téléphone. Et puis à tous ceux que l'on aime et qui nous aiment. Oh, super. Oh, super. Oh, génial. C'est beau. L'amour. Stay with me. Mother, I always loved the stillness of your arms. That soothing heat straight coming from your heart. But now I'm there. But I strangely feel your tears. Small drops of water so far from the cheers. But no, I'm there. Deep inside my heart, my heart. the thrill. Sentence me to real life. Give birth to what you need. Oui, je sais, je suis un blaireau. aimable, sans matière non dégradable, un monde plus responsable. Je rêve d'un monde idéal, sans milliardaires ni crève la dalle, un monde plus agréable, où Balkany irait au tribunal. Oui, je sais, je suis un blaireau, un salifi bien démago. Mais je t'emmerde, oui, je t'emmerde, mais je t'emmerde, oui, je De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30, en mondiaux vision, non, en mondiaux audio, en mondiaux, enfin bref, c'est les mondiaux un petit peu sportifs, n'est-ce pas mon cher Tom? Ouais, tu vas dire ça, dis-toi, rattrape-toi, parce que Tom, il a l'air d'un sportif, tiens. Et toi, ouais, et toi, tu peux parler Coca-Cola Man. Oh là, pas de pub, pas de pub. Eh non, non, Pepsi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Fanta, Seven merde, Up, Seven Up. Seven Up, tout à l'heure, Ice-T, Ice-T, de Body Count. Ils sont cons aussi d'avoir des noms de boissons, là. Oh là là là, Oui, jure. N'importe quoi. Bon, allez, nous sommes toujours avec Steph d'Ultra Rock, et nous avons également eu Ludo. Ludo, tu es là? Ouais. Tu es là, est-ce qu'on l'entend Ludo? Non mais mets en haut-parleur ton téléphone. Bah, si tu veux. Non, tu n'as pas mis ton téléphone. Il est en haut-parleur. Attends, j'arrive. Il est en haut-parleur et on n'entend pas Ludo. Quoi, je tourne. Hop. Non, non, mais c'est nous, c'est pas toi, c'est nous. Et donc on va voir. Voilà. Non, là c'était Steph. Voilà, on l'entend là, Ludo, ou pas? Ah ouais, on t'entend, t'es loin, mais c'est pas grave. C'est parce que t'es loin déjà. C'est normal. Hein? Allez, ce que l'on entend. Attends, tu bouges pas parce que là ça va être un peu compliqué. Comble Phil, comble. Je comble. Alors, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Coastal Division. Ils ont sorti en 2017 un premier album qui s'appelait Once Upon a Time in Hell, un petit peu comme l'avait sorti l'avant-dernier album de Drakkar, mais là non, c'est l'album de Coastal Division qui était sorti le 3 février 2017, c'était une autoproduction, Trash Death. Le groupe s'est formé en 2016 et ils nous viennent de Nîmes et on salue bien bas Monsieur Laurent Plainchamp, puisque la semaine dernière je crois, ou c'est cette semaine, non c'est la semaine dernière je crois, c'était son anniversaire, donc joyeux anniversaire avec un peu de retard. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, ce que l'on a entendu en avant tout ça, c'était Bagdad Rodeo, précédé de The Mother of Million, et juste avant, c'était Drakkar, bien entendu, les Belges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien, rien d'autre. On va passer à la suite de la programmation. Avec Steph et Ludo, si Ludo, on l'entend. On va commencer avec Fritz Signal, qui est encore un groupe canadien. Décidément, ce soir, c'est la fête au Canada et c'est normal puisque notre diffuseur est canadien. L'album s'appelle Disconnect. Bah, j'espère pas hein, ce soir, mais quoique. Et le titre que je vous propose d'écouter s'appelle Falling Apart. C'est sorti le 24 novembre dernier chez Agonia Records. C'est du metalcore. Ils se sont formés en 2004 et ils nous viennent de, je sais plus où, de Hamilton. Bah tiens, c'est Tom Hamilton. Ils nous viennent de Tom, c'est, donc c'est moche, au Canada. C'est moche. Hein. Voilà, c'est mon chou. Hamilton à comprendre. Hein. Bah je sais bien, mais bon, c'est comme ça. Pas Tom Hamilton. Et nous allons enchaîner avec Ultra. Excusez-moi. Oui. J'ai rendu. Ultra Vomit. J'ai rendu l'antenne à Steph. Oui, Ultra Vomit, le choix d'Ultra Rock pour cette année parce que le métal c'est beaucoup trop sérieux. Il y a beaucoup qui se la racontent et moi je trouve que tous ces groupes qui prennent à contre-pied les clichés métal et compagnie, moi ça me fait vraiment rire. Et je passe donc Kamtar, qui est la reprise parodiée de Rammstein, on va dire. Hein. L'album s'appelle Panzer Surprise, alors Panzer Surprise, hein, comme on veut, because we are French. Qu'est-ce qu'on peut dire que d'Ultra Vomit, c'est que moi j'ai adoré au Hellfest parce qu'ils étaient en milieu d'après-midi et puis il y avait du monde comme une tête d'affiche et c'était vraiment le bordel. Jamais j'ai vu un bordel pareil. Voilà, moi ça me fait bien plaisir ce genre de groupe, en plus c'est super bien fait, le son est bon et ça se fait des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Un peu comme Ultra Rock en fait au final quoi. Bah c'est pour ça que Ultra Vomit, Ultra Rock, je suis sûr que le nom vient de là. Ouais. Ultra Vomit Rock Vomit. Ça veut rien dire. Ultra Rock Vomit. Ça serait pas mal ça. On vomit rock. Ouais, ultra rock fort chaud vomit. Ah, ça fait long ça quand même. Hein. Génial. Et bien sûr, on a le concept 2018. Voilà, bon, on va faire ça. Parfait. C'est sorti chez Vericord le 27 avril dernier. C'est du grindcore. C'est surtout du rigolo grindcore. Ils nous viennent de Nantes. Donc ça, c'est où ? C'est en Bretagne ou pas, Nantes ? Moi, je dis que tout le monde est breton s'il le veut bien. Et du moment que c'est en Bretagne. Bon bah alors ça va alors. Donc Ultra Vomit, un choix commun. Encore une fois, je pense qu'on va avoir des petits d'ici la fin de l'année 2018 entre Steph et Tom. Je raccroche tout de suite. Moi je sais pas ce que vous faites, hein, je ne veux rien savoir de votre vie privée, mais les gars, mais... Reviens, je vais me faire apporter, j'arrive. Vous avez les mêmes goûts en tout cas. Le groupe s'est formé en 99 pour les Ultra Vomit et on va laisser la parole maintenant à Monsieur Ludo de Ride the Sky. Si on l'entend, Ludo, es-tu là ? Allô, allô. Ah bon, on l'entend super bien. Vas-y, c'est à toi. On m'entend. Ah, ouais, bien. Tu as choisi Trad Folket. Je me sens triste. Hein. Ah, je me sens vraiment triste hein, par rapport à Steph qui a une grande voix et les fous rires, etc. Hein, Et Tom te dira qu'il n'a pas que la voix qui est grande. Alors, bah, moi, je vais présenter Trad Folket, qui est un groupe de rock alternatif originaire de Stockholm, en Suède. Groupe formé en 2014. Je tiens même à préciser que le groupe est issu de Paperback Fraud. Je pense que Phil connaît ce groupe. Yes. Ce groupe faisait du hard rock et avait sorti 3 albums en quelques années. Donc le groupe a sorti le 11 novembre dernier un EP éponyme, 5 titres, autoproduit. Et nous allons passer donc le titre Store à l'occasion de cette rétrospective 2017 du Rock for Show. Merci mon cher Ludo. Merci Ludo. C'était très clair. C'est clair comme ta voix. Et t'as vu, on s'est tous tus pendant ton intervention. Ah, heureusement. C'est beau. Ouais, pour mieux t'entendre, hein. Mais il faudrait vraiment que tu manges de la soupe, Ludo, hein. Il faut grandir. Il faut grandir maintenant. C'est pas le tout de se laisser pousser la barbe, hein. Ah, là, on parle de mes photos, là. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est pas les miennes, hein. Moi, c'est à chaque fois que les gens m'écoutent, disent « Ah, la barbe !» Mais sinon, je l'ai pas encore, hein. Moi, j'ai juste une petite barbichette. Allez, on envoie la musique. On se retrouve tout de suite après. On vous donne le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent nous passer un petit coucou, nous souhaiter peut-être une bonne fin d'année avant de nous souhaiter l'année prochaine, la nouvelle année. 06 81 01 28 34. On vous laisse en musique. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant avec Freight Signal. I never thought I'd be the one to endure. je vais rouler comme un fou. Voyage, cantant, et comme tu rugis, tu fais ça. De retour dans les studios, toujours à l'écoute du Rock for Show pour la dernière plage musicale. J'espère que cette émission vous aura plu et que celle de la semaine dernière vous aura plu également. Elles sont disponibles en podcast sur le site archive.org, mon ami Phil. Alors c'est www.archive.org, vous recherchez Rock for Show. Sinon vous allez sur la page Facebook du Rock for Show, vous avez tous les détails. Tous les détails, effectivement. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Sailou. On était content de les recevoir. Sailou, ça va bien. Hein, ils étaient venus en même temps que Wild Blues et ils nous avaient fait une petite session live que était fort sympathique en acoustique, une session. Et que vous pourrez retrouver sur la page Facebook, il y a une vidéo. Oui, il y a une petite vidéo qui tourne de la session live. Ouais. Voilà, Sailou. Par contre, maintenant, tu vas pouvoir baisser le son de Sailou, mon cher Tom. Voilà. Je vais vous dire que l'album était sorti le 15 décembre. C'était une autoproduction. L'album s'appelle Motel. C'est le troisième album du groupe. Ils nous viennent de Paris. Mais la chanteuse est américaine. Et c'est du road trip rock à voix féminine. Voilà, et il fallait qu'on les place parce que c'est nos amis. Et tous ceux qui sont aussi nos amis, mais qui ne sont pas apparus dans le top des meilleurs, on va dire, du best-of 2017. Rassurez-vous, c'est qu'on n'avait pas assez de place, mais on vous aime. On pense au MF Crew, par exemple, hein, juste comme ça, à Ascent également, enfin à plein d'autres. Nous allons laisser parler notre cher ami Steph et lui dire au revoir après ça, puisqu'il a encore deux titres à nous diffuser, mon cher Steph. Non des moindres, mon cher Phil. On va faire un grand écart entre les États-Unis. Oula, et la ça fait mal aux couilles, ça. On va commencer par Power Mine 5000. Powerman 5000 en français, parce que nous on est des français, tu vois. Un album qui est sorti au mois d'octobre, c'est de l'indus un peu new wave, ça vient de Boston, il y a un gros côté Billy Idol. Moi j'ai choisi une chanson qui s'appelle Sweet Vicious in a Dress, que je mets en boucle parce que j'aime vraiment cette chanson. Le clip est assez sanglant, alors sanglant ça veut pas dire eunuque, hein, enfin sauf celle que l'on peut se briser bien sûr quand on headbang. L'album s'appelle New Wave, donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et ça, c'est un de mes albums de l'année. Ça, c'est pour Powerman 5000. Et ensuite, nos Sergi Pontet. Je triche un peu. Ils en feraient de même pour mon top 6 Ultra Rock de l'année, puisque je place Malmort, les excellents Malmort, dont l'album est sorti en décembre 2016, mais a heureusement pour moi été réédité au mois de juin par Season of Mist, parce que en fait, je trouve que c'est sorti trop tard dans l'année 2016 pour pouvoir être inclus dans les tops et j'avais pas assez écouté. C'est un album où il n'y a pas un titre à jeter. L'album s'appelle Baltrap, on les a reçus chez Ultra Rock plein de fois, on les a vus sur scène beaucoup beaucoup de fois cette année. Ils sont pas loin puisqu'ils sont de Sergi Pontoise, de la région. Donc ça joue bien, il y a de la gratte, vraiment, il y a un chant français, ce qui est vraiment vraiment appréciable quand on apprécie ça, bien sûr aussi. Voilà, donc c'était une autoprod, mais voilà, Malmort, pour moi, c'est la révélation des années 2010-2020, en tout cas, et en tout cas, sur 2017, je les mets à l'honneur. Très bien, en tout cas, on plus soit, puisqu'on a été confronté au même problème que toi l'année dernière, c'est-à-dire on n'a pas pu les inclure dans le top 2016, mais ceci est réparé. Il le mérite bien. Nous allons terminer avec Live Sin, tiré de l'album Follow Me, j'espère, hein, et le titre s'appelle Hypocrite. Je sais pas si c'est un titre de relation de cause à effet. C'est sorti chez Despots Records le 28 avril dernier. C'est du Heavy Speed, formé en 2017, donc c'est tout récent. Et ils nous viennent de Suède, de Göteborg. Il me reste juste le temps de vous dire que le dernier fond sonore sera certainement non, catcher. Non, non, même on pas. Pas. On veut pas. Déjà, le dernier, ça va peut-être ça être dur. Ouais, bah. Alors, on va saluer Ludo. Mais on peut saluer Dreamcatcher au passage, quand même. Et on salue Dreamcatcher, bien entendu, et Chris, son chanteur. Voilà. Ludo, oui, tu es là. Donc, merci pour ta venue. Et puis, l'année prochaine. Bah oui, bien sûr. Je ne manquerai pas d'écouter le Rock Show depuis... que je fais déjà depuis quelques années, avec une bonne équipe. Bah merci beaucoup à toi, et on se retrouve l'année prochaine. On te fait des gros poutous, et on te souhaite une bonne fin d'année, et fais gaffe, hein, bois avec modération, mais écoute de la musique sans modération. Mon cher Steph, oui, le mot de la fin pour toi Le mot de la fin Oui. Bite, concou et nichon. Ah bah là, il y en avait plusieurs. Bon, bah on les accepte, pas de soucis. Et on te fait des gros poutous, on te dit à l'année prochaine. Bon pied, bon oeil. Ouais. Et surtout, reste ultra rock, fort chaud. L'émission, c'était ultra, c'était et moi, rock. Et moi, attends, et moi, j'ai pas de mot de la fin. Si, si, mais justement, tu vas l'avoir, mon chéri. Non, alors, parce que moi, j'ai juste souhaité bonne fête aujourd'hui, c'est tout. Très bien, alors l'émission, c'était ultra, c'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était ultra rock, fort chaud. À l'année prochaine, bye bye. On vous laisse en musique, bye. Baby. Upside down.